tous et bienvenue dans la saison 3 de 2 septembre à juin avec l'épisode numéro 11 sur flexibiliser sa classe. Nous accueillons aujourd'hui Nathalie Batty, qui a été enseignante en école maternelle pendant 23 ans et qui est depuis 5 ans conseillère pédagogique à la mission numérique des Yvelines, rattachée aux circonscriptions de Sartrouville et Carrières-sous-Poissy, où elle propose des formations à la pédagogie flexible pour les enseignants de cycle 2 et 3 dans l'Académie de Versailles. Tous les autres invités sont de l'Académie de Nantes, avec Andrea Capitanescu-Benetti, qui est docteur en faculté de psychologie et des sciences de l'éducation dans le domaine organisation du travail et du métier d'enseignant. Elle est chargée d'enseignement à l'Université de Genève et membre du laboratoire LIFE, ou LIFE, laboratoire innovation, formation, éducation. Elle a coordonné l'ouvrage Flexibiliser sa classe chez ESF avec Sylvie Gros. Sylvie Gros est maîtresse de conférences à l'INSPE de l'Académie de Nantes. Elle est didacticienne des mathématiques, docteur en sciences de l'éducation et membre du CREN, Centre de recherche en éducation de Nantes. Romain Bernier est coordonnateur du dispositif ULIS et coordonnateur PIAL dans un collège d'Angers. Ses recherches portent sur le travail multiprofessionnel au sein d'un dispositif ULIS en collège afin de promouvoir une approche inclusive et collaborative. Stéphane Gore est enseignant de physique-chimie. Il intervient en formation continue et a coordonné plusieurs dispositifs expérimentaux dans son établissement, comme les classes coopératives, les classes multi-âges, l'enseignement intégré des sciences, technologies et mathématiques. Guillaume Jamin est professeur de sciences physiques en lycée et formateur en temps partagé à l'INSPE. Et Lucie Jarry est étudiante alternante en deuxième année de Master MEF premier degré. Elle est partie pendant sa L3 pour une année en Finlande avec le programme Erasmus. Bonjour à tous. Première question, Bonjour. du coup. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous définissez la classe flexible, flexibilisation de la classe ou flexibiliser la classe? Alors, moi, je veux bien prendre la parole, Sylvie? Sylvie. On a coordonné cet ouvrage avec Andrea. Et s'il y a beaucoup de Nantais ce soir, c'est parce que on a eu beaucoup de contributions de toute la France et même de l'étranger, et que c'était finalement les seuls que je connaissais un peu physiquement pour pouvoir échanger. Ça me semblait être plus facile ce soir. Et donc, déjà sur le titre, il faut se dire que le titre d'un ouvrage, c'est jamais trop les auteurs qui le choisissent. Au final, c'est l'éditeur qui met sa patte. Mais on discute. Et puis, en fin de compte, pour nous, il y avait plusieurs enjeux. C'est que cet ouvrage, pour nous, c'était un ouvrage où on souhaitait analyser les pratiques des enseignants, mais en partant du fait que les enseignants disent faire la classe flexible, alors que ça regroupe tout un tas de pratiques qui sont très diverses et variées. Et donc, ce qu'on voulait essayer de voir, c'est qu'est-ce que ce terme-là signifiait pour eux. Et en plus, le terme classe flexible, il est surtout associé à un aménagement spatial et ça nous semblait réducteur au niveau des pratiques. Donc, on voulait voir qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre et qui rende aussi les choses un peu moins statiques parce que. Alors, on va dire classe flexible, flexible et statique, ça va pas ensemble, mais derrière le terme classe flexible, il y a finalement un modèle de classe qui peut être, qu'on peut trouver dans certains ouvrages, qui finalement amène un regard un peu statique sur une nouvelle façon d'organiser la classe, mais qui reste malgré tout statique. Donc nous, on voulait essayer de voir tout ce qui se faisait, parce qu'en échangeant avec les collègues, on voit bien que leurs pratiques, elles sont beaucoup plus riches, beaucoup plus, elles sont variées, elles sont inspirantes, et puis souvent, ils n'osent même pas en parler parce qu'ils ne se rendent pas compte à quel point c'est original et que ça peut être intéressant pour leur père, quoi. Et puis l'autre aspect, et je vais laisser aussi Andrea s'exprimer par rapport à ça, mais c'était l'idée de mettre les pratiques en lien avec des éléments de la recherche, mais de toute discipline de recherche confondue. Ensuite, donc Andrea, ensuite, et en cohérence justement avec ma collègue, pour nous c'était un énorme plaisir d'avoir eu quelque part une rencontre symbolique au cœur d'un livre, dans la construction d'un livre sur ces pratiques de flexible. Et c'est pour ça le titre, oui, il y a une négociation avec l'éditeur parce que il faut rendre la chose transparente quelque part, mais la flexibilité, c'est pas seulement le mobilier. On a regardé que le curseur de la flexibilité est ancrée dans les dispositifs de travail des élèves, dans les situations d'enseignement d'apprentissage, dans les objets abordés, dans les interactions qui sont provoquées dans la scène scolaire, donc dans la classe. Donc le flexible, il faut le chercher à plusieurs endroits dans la classe. Et quand les enseignants nous disaient, je fais un peu de flexible, ou je fais moitié-moitié, flexible et pas flexible, ou de temps en temps, je fais flexible et après, pendant 3 mois, plus flexible. Et en fait, leur interrogation sur les pratiques nous ont fortement poussé à chercher, mais finalement, qu'est-ce qu'ils cherchent à résoudre comme problème pédagogique, didactique, d'inclusion des élèves lorsqu'ils se disent je fais une classe flexible. Parce que c'est pas juste une affaire pour varier les plaisirs pédagogiques. Il y a une quête d'efficacité, il y a une quête de. Les enseignants veulent mieux enseigner et que les élèves soient mis en fait dans des situations les plus fécondes pour eux. Donc c'est vrai que ça a été une rencontre symbolique avec tous ses collègues de tous les degrés, et on voulait montrer que le flexible, bah, il est aussi dans les plus grands degrés, et même à l'université où on a une collègue ce soir qui a témoigné en fait de ce que c'est un parcours plus flexibilisé dans l'enseignement supérieur. Et de quand date, si on a une date, cette idée de flexibiliser la classe? Ah, ça, c'est une question Andrea? provocatrice, hein, parce que certains dans le livre, ils disent, mais ça dépend, ça, comment on interprète cette question. Certains, ils disent, on a toujours fait du flexible. Et d'autres, ils vont dire, mais en fait, tous les ouvrages autour de flexible qu'on trouve aujourd'hui chez tous les grands éditeurs scolaires dans le domaine de la scolarité et de la pédagogie, grosso modo, ils œuvrent depuis 5-6 ans dans le domaine. Mais pour certains qui ont écrit aussi dans cet ouvrage, ils avancent avec vraiment beaucoup de force qu'ils font du flexible depuis toujours. Guillaume? Guillaume, alors moi en fait cette flexibilisation de la classe, elle a vraiment émergé au moment de la réforme du lycée, où vraiment cette réforme a fait la place en fait sur une individualisation des parcours en fait pour les lycéens. Et en fait j'avais face à moi un groupe d'élèves qui était qui manquait d'implication dans les apprentissages parce que complètement enfin, retourner sur lui-même dans le sens où il était isolé dans la classe parce que des groupes en fait de spécialité bah, c'est constitué d'élèves venant de plein de classes différentes. Donc on avait un isolement total de l'élève dans la classe et vraiment dans les apprentissages. Et cette situation-là, je l'ai assez mal vécue les 2 premières années. J'essaie de trouver en fait des éléments pour essayer de les amener à réfléchir de manière coopérative et collaborative. Et puis, bah, à chaque fois, c'était un échec. Et puis, ça a mené aussi beaucoup de remarques négatives des élèves de ma part, en fait, une certaine violence en fait, dans les interactions. J'entends des violences vraiment morales, dans le sens où je les obligeais, je sentais bien que ça les... Vraiment, enfin, ça les inquiétait beaucoup. Et donc, du coup, bah, cette... classe flexible que moi j'ai plus réfléchi en termes de classe mutuelle, je l'ai découverte dans un forum des clés de la réussite où en fait on m'a proposé en fait ce dispositif, notamment des tableaux et le fait de travailler de manière un peu verticale, que le support soit vertical et de travailler autour vraiment d'un apprentissage un peu kinétique qui fait vraiment que l'élève vraiment s'implique non seulement physiquement, mais je dirais moralement, quoi. Et donc, bah, depuis, je l'ai jamais quitté. Et j'avoue que j'en tire beaucoup de satisfaction pour les élèves et aussi pour moi, pour ma relation que j'ai aux élèves à la classe, parce qu'au lycée, c'est pas toujours simple de travailler de cette manière-là, puisque il y a beaucoup de réticence de la part des collègues. Est-ce que tu peux juste expliquer un tout petit peu plus ce que c'est l'enseignement mutuel pour les auditeurs? Alors, l'enseignement, la classe mutuelle, c'est une classe qui a été mise en place par un collègue de SVT qui est vraiment qui travaille autour donc de d'îlots de travail en fait de réguler en fait l'espace dans la classe de telle manière à travailler en coopération et ou en collaboration. Donc on pourrait travailler autour d'une résolution de problème, d'une tâche complexe hein, qui demande une résolution au long cours, dire qu'on n'est pas sur des petites tâches, j'irais, cognitives de premier degré. Et donc par un travail en fait commun, donc de coopération et de collaboration pour livrer en fait un produit à la fin, et puis aussi pour en s'aidant en fait entre les différents pôles dans la classe. On peut produire vraiment, je dirais, de la matière, on peut rentrer dans les apprentissages, on peut, grâce aux interactions nombreuses, grâce aussi à une réelle discussion que moi je peux avoir avec les élèves, et donc en pratiquant un petit peu la différenciation en fait auprès de chacun, en travaillant aussi sur les supports qui se font en fait en direct, en live. Ça me permet vraiment de repérer l'erreur, de relativiser l'erreur, de travailler sur cette erreur-là. Et enfin, dans le cadre d'une mutualisation en fait de tous les éléments, bah, ces tableaux-là me servent d'institutionnalisation en fait, d'outils d'institutionnalisation forts pour qu'après les élèves puissent les approprier en fait chacun dans une position. Ils prennent une table, ils la bougent devant un tableau qui les a marqués, ils les prennent en photo. On est vraiment dans un modèle de classe qui est assez, qui pour moi a révolutionné ma pratique, mais qui je vois permet vraiment à l'élève de prendre l'espace classe comme le sien, et en fait, il ne le subit plus. Merci. Sylvie? Ouais, moi je voulais compléter la présentation de Guillaume par une autre expérimentation menée par un collègue en mathématiques. Parce que dans l'idée de classe mutuelle, c'est effectivement, comme disait Guillaume, le fait qu'il y ait des tableaux au mur où les élèves par groupe vont se retrouver debout à discuter. Lui, il n'avait pas du tout d'aménagement spécifique dans sa classe. Donc les élèves écrivaient sur la porte, sur les murs, enfin voilà. Et puis il a prolongé l'affaire parce que bah, le problème, c'était que quelquefois, il était obligé de changer de salle et que le travail n'était pas terminé. Donc, il prenait en photo, comme disait Guillaume, les travaux qui étaient en cours et il reconstruisait des tableaux muraux sur un espace numérique où on retrouvait toutes les photos par groupe et où, du coup, les élèves pouvaient, sur le NT, donc l'espace de travail numérique, commenter les tableaux des autres, compléter, aller rechercher des supports, etc. Donc en fin de compte, on voit que cette idée de classe mutuelle, comme je disais, la flexibilité, elle va dans tous les sens parce que moi j'ai trouvé que cette ouverture-là sur le numérique, c'était encore ouvrir sur de nouveaux espaces, quoi. Et je Je pense crois que, pas. pardon, je crois que Stéphane, toi aussi, au niveau du collège, tu as pratiqué ce genre de choses. Avec les tableaux et le numérique? Oui, enfin le fait qu'il soit par pôle à être sur des recherches et puis Oui. pas être forcément assis, mais pouvoir se déplacer et puis enquêter d'un groupe à l'autre. Oui, bah, il y a certaines séances qui s'y prêtent bien, alors que ce soit en multi-âge ou pas. Oui, c'est un travail d'enquête, donc il passe. Enfin, l'espace classe, il est ouvert à tout le monde et tout le monde se déplace. Moi, par rapport à la flexibilisation, je vais apporter ma pierre, si Emeline, tu veux bien. Moi, quand vous m'avez invité à flexibiliser, moi, j'ai aucune. Je ne savais pas que je flexibilisais quoi que ce soit. Hein. C'était pas la recherche. Mais après, en y réfléchissant, bah oui, effectivement, on le fait. En fait, c'est juste l'idée de ne pas être figé dans un espace qui contraint des pratiques pédagogiques. Donc, moi, j'étais dans une salle où tout était fixé au sol. Alors, en bon prof de physique, hein, fallait pas que ça bouge, puisqu'il y avait de l'électricité. Et donc, j'ai tout fait à l'occasion de la refonte complète du sol avec un carrelage qui avait fissuré. J'ai attendu 10 ans ça. Eh ben j'en ai profité pour dire aux ouvriers de ne pas resceller les tables, d'enlever les fils électriques de manière à pouvoir avoir une salle qui s'adapte. Voilà. Et qui s'adapte à ces différents temps, puisque dans nos pratiques, à Sophie Germain, on est beaucoup à changer de configuration, puisqu'on est sur 2 heures, donc on change beaucoup de configuration au cours de 2 heures. Donc c'est un petit peu ça l'idée de la flexibilité chez nous. Mais c'est pas que ça. Voilà. Merci beaucoup. Avant qu'on creuse plus encore les pratiques et qu'on revienne aux certains détails, la question que je voulais juste te poser, Sylvie, c'est que je pense que les auditeurs doivent se demander comment il écrivait au mur et sur les portes. Oh bah, tout simplement avec les craies. Hein. Ah oui, d'accord, carrément. Ok. Carrément, à la craie, sur les portes de couleur. Ouais. Bon, j'ai assisté hein, dans sa classe et ce qui est intéressant, c'est de voir, parce que c'était une classe de sciences physiques, donc comme disait Stéphane, les paillasses sont au sol, etc. Donc le fait simplement physiquement d'investir l'espace qui normalement est réservé aux profs, parce que je me souviens que dans sa salle, il y avait encore une estrade, et ben ça change déjà tout au niveau du relationnel, au niveau de la position du professeur, au niveau de ce que s'autorisent les élèves. Ça paraît tout bête, mais c'est déjà énorme au niveau de la flexibilisation et la façon dont les élèves conçoivent la relation au prof et au savoir. Oui, parce que moi j'avais mis des films Velleda sur les murs, c'est pour ça que je posais la question. Ça marche aussi. C'est plus facile à nettoyer que la craie sur les murs. Oui, mais de toute Mais... façon, les enseignants sont très forts pour bricoler, hein. Oui, bah oui. Quand ils veulent arriver à quelque Ouais. chose, ils finissent toujours par trouver le moyen, jusqu'à casser le carrelage. Hein. C'est ça. Guillaume? Oui, on peut aussi, nous on utilise aussi hein, les films Velleda hein, sur les murs, parce que du coup, moi j'ai flexibilisé, enfin du moins j'ai mis des tableaux dans, maintenant dans trois salles, on a commencé par une, puis depuis trois, les collègues les utilisent de plus en plus. Et puis dans d'autres établissements, ils ont trouvé des systèmes de petits tableaux, comme ça s'appelle, qu'ils ont créés sur un support assez solide, sur lequel en fait on colle un Velleda, par exemple, et donc on les sort. Et donc ça permet aussi de positionner dans la classe, et donc donc ces tableaux blancs en fait mobiles, et donc de recréer aussi des espaces de travail qui permettent flexibiliser. Et donc, qu'est-ce qui vous a amené tous à flexibiliser votre classe, à former sur la flexibilisation de la classe, à coordonner un ouvrage sur le sujet? Robin? Oui, ben nous, c'est qu'on est parti d'un collège donc en REP plus et qui fonctionne beaucoup avec les innovations. Et sur le dispositif Ulysse, on avait commencé à travailler avec le médico-social qui est directement implanté sur le collège. Donc nous, on était déjà flexibles au niveau de notre entente entre professionnels. Et nos élèves du dispositif Ulysse sont... quasiment à 100% dans leur classe de référence. Et donc, la pensée qu'on avait, c'était comment amener cette flexibilité du dispositif Ulysse au sein des classes du collège. Donc, on a monté ce projet innovant avec un groupe de 7-8 professionnels mélangeant les AESH, le médico-social et les professeurs des différentes disciplines. Et on est arrivé à un projet où on est d'abord parti, ce qu'on disait tout à l'heure, un peu du matériel, mais on est vite arrivé sur la réflexion pédagogique. Et moi, ce que je viens étudier après, c'est comment ça se met en place et quels sont les freins, les limites à tout ça, quoi. Voilà un petit peu comment on a lancé ça. Donc c'est ta pratique qui t'a amené à la recherche sur le sujet du coup. Oui, tout à fait. On est parti de nos pratiques et pour aller vers ce sujet-là. Merci. Nathalie? Oui, alors contrairement à toutes les autres personnes, moi je ne suis plus en classe depuis 5 ans, mais j'ai eu la chance d'enseigner pendant un long moment en école maternelle. Où la flexibilité, me semble-t-il, était quand même un des fondements, de la pédagogie en classe. Et lorsque j'ai commencé à être conseillère pédagogique, j'ai eu la chance de pouvoir, aller voir le fonctionnement finalement dans des classes flexibles dans le premier degré. Donc c'était, notamment des classes de CP ou de CM1. Et ça m'a beaucoup questionnée parce que, j'ai trouvé que ces pratiques étaient assez confidentielles, voire même marginalisées. Dans les écoles par les enseignants, les autres enseignants, un peu la classe bazar, la classe voilà, où les enfants finalement font un peu ce qu'ils veulent, voire l'institution quand même, hein, parce que quand on posait un peu des questions, moi ça m'intéressait beaucoup, mais on me disait non, non, la pédagogie, enfin la classe flexible, bon c'est un peu, voilà, un peu marginal, donc on ne va pas trop aller dessus. Et donc quand j'ai commencé à proposer en tout cas une formation pour la classe flexible, hein, qui a évolué rapidement en pédagogie flexible, parce que comme on disait tout à l'heure, que ce soit Sylvie ou Andrea, la classe flexible s'était beaucoup associée aux aménagements, et à raison, c'était une critique hein, qui pouvait y avoir. Du coup, l'objectif de la formation qu'on a eue avec les deux collègues avec lesquels je travaille donc, dans la circonscription de Sartrouville, pour ne pas la nommer, ça a été vraiment de créer un collectif de travail pour aider les enseignants à réfléchir vraiment sur leurs pratiques pédagogiques, que ce soit autour de la planification des compétences, vraiment recentrer l'élève au centre de son parcours d'apprentissage avec une meilleure compréhension de son rythme des paliers d'apprentissage et puis aussi les modalités d'enseignement, et justement pas leur proposer un ensemble de trucs, de recettes et astuces à appliquer dans leur classe, parce que finalement, ce qu'on voulait, c'était vraiment les emmener dans une réflexion plutôt qu'une application de produits qu'on peut voir un peu soit sur Internet ou dans les livres dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Voilà comment l'idée de la formation a commencé, en tout cas pour moi, et je trouve ça passionnant parce que chaque groupe d'enseignants, chaque année, est différent. Et donc, on doit aussi flexibiliser sa formation à ce moment-là. Donc, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Merci. Lucie? Je ne suis pas non plus enseignante encore diplômée, donc je vais parler au titre de la Finlande. Mais lorsque je suis partie à l'étranger, j'ai vite compris que enfin, le projet de flexibilisation des classes, c'était vraiment un projet national, surtout au niveau des universités. Et donc, je me suis un petit peu renseignée à partir de 2015. Le projet national a été Flexible Learning Environment, donc un environnement d'apprentissage flexible. Et je pense que le projet, c'était vraiment de rendre les universités apprenantes et de rendre à l'étudiant une liberté pédagogique et une réelle souplesse, notamment sur l'organisationnel et le côté aussi personnel. Puisqu'on sait que lorsqu'on est étudiant, on peut avoir des contraintes financières, devoir travailler à côté. Et donc, je pense que en réduisant certaines barrières de structure, en supprimant par exemple les emplois du temps figés ou en proposant des dates et des périodes d'examen différentes, aussi en proposant un accès aux bibliothèques universitaires très très longues sur des plages horaires très tôt le matin jusque tard le soir. Et je pense que le but, c'était vraiment de rendre l'étudiant pas seulement récepteur des apprentissages, mais aussi acteur, chercheur et presque collègue avec les professeurs, travailler ensemble pour construire quelque chose. C'est intéressant parce que en France, alors pour le supérieur, je ne sais pas, mais ça ressemble beaucoup à la flexibilité des micro-lycées, tout ce qui est structure de retour à l'école. Par exemple, à Reims, ils font beaucoup de modules asynchrones. Il y a 1 heure à 1 heure et demie par discipline par semaine où les jeunes sont là. Et sinon, c'est des modules asynchrones. Il y a toujours un adulte dans la salle commune de 8h30 à 20h pour l'accompagner. Donc, voilà, c'était ça. Et du coup, il y a eu une énorme vague d'achats de mobilier. Alors, vous avez commencé à répondre à la question un peu, hein, mais pendant le CNR, notre école Faisons-la ensemble, est-ce que du coup, introduire un mobilier spécifique, ça amène à repenser sa pédagogie ou est-ce que c'est le projet pédagogique qui amène à l'achat de mobilier? Et est-ce que l'achat de mobilier amène toujours à repenser sa pédagogie? Bon, je sais, vous avez un peu répondu déjà, mais on creuse. Sylvie? Moi, je veux bien juste donner l'exemple de l'INSPE où je suis, où on a fait un aménagement d'une salle d'innovation pédagogique, la SIB, dans laquelle on a effectivement des tableaux muraux, mais ce sont des tableaux numériques, avec des chaises à roulettes, une classe mobile, enfin, énormément de matériel. Et une fois que la salle a été installée, il y a eu des temps de formation pour les formateurs hein, pour l'utiliser. Mais les premières questions de certains collègues, c'était ben, comment on va faire comme on faisait d'habitude? C'est-à-dire comment faire pour qu'ils voient tous la même chose sur tous les écrans, qu'ils fassent tous la même chose en même temps, etc. Donc, bon, c'est un exemple un petit peu caricatural, mais effectivement, si on change le mobilier, les espaces, les aménagements, sans En pensant que ça va permettre de travailler comme avant, ça ne peut pas fonctionner. Et pour ça, je pense que Nathalie l'a bien dit tout à l'heure, les enseignants de maternelle, c'est les premiers à être obligés d'inventer sans arrêt des organisations nouvelles, parce que bah justement, les enfants, quand ils arrivent à l'école, ils ont pas le langage, ils n'ont pas les habitudes, ils n'ont pas non plus cette représentation déjà figée de l'école. Et il faut toujours être innovant dans les manières de faire vivre les moments d'apprentissage aux élèves. Donc c'est déjà cette idée de vouloir, comme disait aussi Lucie, rendre les élèves réellement acteurs de leurs apprentissages, qu'ils aient la possibilité de faire des choix et qu'on sorte dans un espèce de carcan qui est la forme scolaire hein, développée par Vincent, mais de te se dire, est-ce que c'est absolument indispensable que tous les élèves apprennent la même chose au même âge, au même endroit. Et Stéphane pourra témoigner aussi du fait que le multi-âge, bah, c'est une ouverture incroyable au développement des élèves. Mais c'est bien cette histoire de penser ça qui va amener à avoir des besoins éventuellement de matériel pour que l'on puisse le mettre en place, bah, pas l'inverse. Et pour le matériel, je fais confiance aux enseignants. On est tous bricoleurs dans ces cas-là pour récupérer tout ce qui traîne à droite à gauche pour créer ces espaces-là. Merci. Lucie? La salle dont parlait Sylvie à l'instant, j'ai pu l'expérimenter en tant qu'étudiante parce que je suis étudiante à l'INSPE de Nantes. Et c'est vrai que ce changement de décor, disons, dans les apprentissages, c'est très intéressant. Et on voit que les professeurs ont quand même été formés sur le sujet avant d'expérimenter. Et je pense que ça fait un petit peu écho à ce que j'ai vécu en Finlande et j'aime bien le retrouver. Aussi à Nantes, de pouvoir participer aux cours différemment. Alors, c'est une salle qui est installée avec des îlots et chaque îlot a un écran. Ça fait un petit peu écho au tableau qu'on aurait pu mettre sur les murs dont vous parliez précédemment. Je pense que ça rapproche vraiment les étudiants autour de ce tableau de travail qui est forcément plus coûteux que la craie sur les murs, mais qui est vraiment intéressant pour faire. Pour collaborer ensemble en tant qu'étudiant et travailler différemment. Merci beaucoup, Andrea. Alors, si vous lisez le livre, et il faut absolument le lire dans les pratiques, les témoignages des collègues enseignants qui sont justement devant les élèves, au front des classes, mais là, l'expression, elle est complètement désuète quand je dis devant les élèves, parce qu'en fait, quand on les voit travailler, en fait, ils travaillent avec les élèves dans d'autres environnements. Hein, ce que les collègues viennent d'expliquer, c'est justement par groupe, par sous-groupe, des tâches différentes. Tout le monde ne travaille pas en même temps, mais de l'extérieur, ça paraît impossible à gérer. Et en fait, ça roule, il y a de l'huile, les différents espaces-temps fonctionnent ensemble. Donc, c'est auprès de ça qu'on a voulu montrer vraiment dans le livre comment on arrive à organiser des espaces de travail pour les élèves très, très différents, très variés, sans perdre le nord. Hein, donc, les enseignants, ils montrent aussi qu'il y a besoin des lieux de concentration, des lieux d'attention, les lieux où on se resserre ou voilà, sur un objectif bien précis. Donc, en même temps, on fait classe, mais on fait classe différemment. En suivant les élèves là où ils en sont, en décélérant pour certains, en ayant des espaces où on peut peut-être faire de l'entraînement, de la répétition pour ceux qui ont besoin, en mettant en place des systèmes d'entraide, de tutorat, plutôt personnifier les apprentissages. Donc, on voit cette variété de manière de faire classe qui est vraiment en rupture avec un prof qui parle et les élèves qui font les exercices. C'est vrai qu'en dessous, hein, c'est ce qu'a dit Lucie et les collègues, on cherche à mobiliser les élèves, à les rendre plus actifs et plus engagés dans les tâches, mais c'est pas juste de l'activisme. Et donc, on voit bien que on se soucie finalement de leur apprentissage. On n'est pas dans une logique productiviste coûte que coûte, mais on est à la limite, on pourrait dire oui, productiviste, mais de quoi? De savoir, de compétences. Et donc, ça, on le voit dans les récits des collègues. Et il y a aussi les collègues chercheurs qui ont écrit dans cet ouvrage, parce qu'on a essayé de faire dialoguer ces deux mondes qui, d'habitude, se regardent de loin. Et en fait, on a lié nos réseaux pour se dire, mais finalement, aujourd'hui, comment les élèves ou les jeunes peuvent apprendre et dans quelle situation plus féconde peut-on les mettre? Donc, la classe autobus, peut-être, elle a fait son temps, ou elle a son temps, hein, ou un mini-temps, mais il y a d'autres manières d'organiser le travail. Et on s'est c'est en juin, quand on a dû déposer le manuscrit chez l'éditeur avec Sylvie, on s'est dit, mais la vraie question qui nous taraude encore, c'est vraiment les situations d'apprentissage. Est-ce qu'on va au bout, finalement, d'une flexibilisation des situations d'apprentissage, des manières d'apprendre, des manières pour aborder les connaissances, quelque part, c'est un positionnement épistémologique. Et donc, c'est sur ça qu'on a ouvert en fin d'année, quand on a rendu notre travail, on s'est dit, ça, c'est peut-être la prochaine pierre qu'on va creuser ensemble. Et du coup, moi, je vais faire le caillou dans la chaussure. Et ça veut dire, est-ce qu'on peut avoir du mobilier très flexible et être absolument pas flexible dans sa pédagogie? Je sais qu'au moins Nathalie, parce qu'on en a parlé, Oui, tout à fait. C'est la difficulté. Ça fait un peu le lien avec ce qu'on est tous convaincus que effectivement, la flexibilisation de la classe paraît être en tout cas une piste intéressante. Et le problème, c'est qu'en accompagnant, moi j'accompagne aussi beaucoup de néo-titulaires, hein, des jeunes enseignants qui arrivent dans les classes. Et malheureusement, on voit plaquer finalement l'école qu'ils ont connue. Avant, on le voit appliqué en classe avec des leçons qui durent 40, 50 minutes, avec une part d'intervention des élèves qui va être de 5, 6 minutes à l'oral, tout à l'oral. Enfin, et c'est très compliqué justement de pouvoir accompagner ces enseignants qui sont en construction. Et c'est pour ça que la formation, on en a parlé tout à l'heure, mais elle est vraiment importante, que ce soit la formation initiale peut-être. Et la formation tout au long de la vie de l'enseignant. Il faut que ça soit une formation aussi qui dure un certain temps. Et c'est vrai que la formation, juste pour finir, ce qu'on propose, nous, c'est vraiment d'allier des temps de formation collective, donc de réflexion hors temps de classe, mais aussi de venir voir les enseignants dans leur classe de façon individuelle, parce que la flexibilité de la classe, finalement, elle est aussi liée à la personnalité. Et à la, on va dire, au style de l'enseignant. Et donc, il faut s'adapter. C'est pour ça qu'on ne peut pas proposer d'outils, un peu de recettes et astuces. On s'adapte vraiment à ce qu'est l'enseignant dans sa classe. Et donc, ces allers-retours entre des temps de réflexion collective et des temps où on peut finalement mettre un petit peu en œuvre ce qu'on a vu ensemble et faire ce cycle-là paraît très intéressant aussi en formation, mais c'est vraiment important. La formation, effectivement, plus que le mobilier, plus que tout, c'est là, pour moi, la formation peut vraiment accompagner. Oui, et puis tu me disais que certains collègues finalement avaient besoin de plus de temps et te disais bah finalement ça me fait trop. Enfin, je ne sais pas si tu peux entrer Bien dans sûr, les mots. oui, en fait, c'est pour ça qu'on propose des formations N0, N plus 1, etc. Et on accompagne les collègues dans le temps parce que... on a eu beaucoup d'enseignants aussi, on va dire de 15-20 ans, qui sont venus à nos formations, hein, pas que des néo-titulaires, et qui disaient finalement, je me rends bien compte que j'ai des difficultés dans ma classe, que ce soit lié à certains profils d'élèves qui arrivent de plus en plus dans les classes élémentaires, que ce soit aussi même, on a eu des enseignants qui nous ont parlé d'ennui en classe, qui n'avaient plus le plaisir d'enseigner. Et donc, c'était intéressant pour eux, mais en même temps, ça les bousculait énormément dans leur pratique. Et parfois, effectivement, on a des enseignants, ça fait donc que 4-5 ans qu'on forme hein, sur la pédagogie flexible, et des enseignants qui ont eu besoin de faire un stop parce que ça les bouleversait trop dans leur pratique, ils étaient en insécurité, et qui peut-être 1 an, 2 ans après sont revenus vers nous en disant bah, est-ce que vous pouvez revenir dans nos classes? Est-ce qu'on peut de nouveau avoir des échanges? Donc, pour ça que c'est vraiment sur du temps long, en fait, hein, du moyen terme, voire du long terme, hein, ce changement de pratique pédagogique. Merci beaucoup. Romain? Oui, je peux revenir oui, sur bousculer les pratiques. C'est ce qu'on a pu nous aussi observer, puisque c'était dans une seule classe de sixième où les professeurs venaient dans cette classe. Et même si on avait le matériel au départ, on voyait qu'on restait encore dans une configuration de face à face et que petit à petit, il y a eu du lâcher prise et une réflexion commune sur ce qui posait difficulté ou ce qui amenait de la réussite et de l'accès vers. Pour les apprentissages pour les élèves. Et c'est vraiment cette discussion commune qui a permis d'utiliser le matériel comme il faut et d'aller vers un enseignement plus flexible. Mais c'est vrai qu'au début, ça, c'était vraiment difficile du lâcher prise, quoi. Mais vraiment cette difficulté. Et qu'est-ce qui a aidé à se lâcher prise? Ce qui a aidé, c'est qu'on a pu filmer certaines séances. Après, j'ai pu donner à toute l'équipe des différents professionnels. Et que l'on a eu un temps après commun pour revenir sur ce qui pouvait fonctionner, sur comment on avait mis ça en place. C'est vraiment une collaboration qui permet d'avancer. Et l'apport du médico-social, des AESH avec les professeurs a aussi vraiment facilité cette flexibilisation. Et donc, comme pour Nathalie, on est dans l'accompagnement et la formation. Oui, Enfin, exactement. Ouais. vous direz Andréa, Sylvie, si je dis des bêtises, mais Stéphane? Oui, bah pour aller dans le sens de Romain, moi c'est pas en termes de formation, parce que je forme pas là-dessus, mais des collègues un peu sceptiques qui viennent dans la classe regarder, en fait, ce qui les effraie tout de suite, c'est comment tu fais pour gérer tout ça en même temps. C'est-à-dire qu'ils ont l'habitude d'avoir, enfin l'illusion, je dirais, parce que l'illusion d'avoir de faire la même chose à tous en même temps. En fait, ils font le même enseignement, mais les élèves, ils apprennent pas la même chose. Donc, ils sont déjà en train de faire des choses complètement différentes, les élèves, sauf que ça se voit pas. Alors que là, quand on est sur des activités choisies ou que nous, on peut imposer parce qu'ils ne sont pas encore assez autonomes, donc ils ont besoin de l'aide au choix et de l'étayage, eh bien, c'est vrai qu'on est en train de gérer 8, 9, 10 choses différentes en même temps. Donc, on ne peut pas tout gérer. Parce que c'est pas humain. Et du coup, on est forcé de lâcher prise et de leur faire confiance et de voir un peu plus tard. Alors après, par contre, là où les collègues sont assez intéressés, c'est que la relation à l'élève change. Et particulièrement, alors là, je le teste cette année, dans l'efficacité de la rétroaction immédiate, soit avec un père, soit avec l'adulte, orale. Et non plus écrite. Donc, que ce soit en situation d'évaluation, situation d'entraînement, en situation de recherche, là, on est vraiment sur des rétroactions immédiates. Et bon, bah, les collègues y voient un grand intérêt parce que là, ça redynamise tout de suite et ça répond tout de suite à l'élève. Voilà. Merci beaucoup, Guillaume. Oui, alors moi, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Stéphane, ce qu'ont dit Stéphane et puis Romain. Moi, je vais parler aussi au nom de mon épouse, avec laquelle, en fait, on a écrit de manière dialoguée grâce à Sylvie. Dans l'idée, mon épouse, elle est en CP et c'est vrai qu'en fait, à la maison, on discutait un petit peu de cette approche flexible de la classe. Et Céline, en fait, se questionne sur savoir comment elle pouvait avoir un apprentissage un peu plus actif en fait dans sa classe et en même temps avoir une gestion un peu plus sereine tout en maintenant l'attention des élèves. En CP, elle est dans une école dans laquelle vraiment les élèves hein, on commence à avoir un contexte social qui est assez compliqué depuis quelques années et elle se posait beaucoup de questions par rapport à tout ce que je viens de dire. Et donc, du coup, elle a mis en place, elle, c'est des activités, en fait, autonomes, d'ateliers autonomes sur différentes compétences clés qui sont lire, écrire, compter, grâce à des petits systèmes de jeu. Et en prenant, en fait, ce temps, justement, de flexibilisation à un moment donné, comme le disait Andrea, de travail autonome. Elle a pu, des ateliers aussi qui étaient autocorrectifs. Elle s'est vraiment rendue compte en fait de la capacité qu'avaient les élèves vraiment à rentrer davantage dans les apprentissages, à se faire confiance, à accepter aussi la parole de la maîtresse un peu plus dans les apprentissages pour ceux qui étaient le plus réfractaires. Et elle y a vu aussi un très, très, très grand, une très grande, un très grand bénéfice dans le cadre de la lecture, notamment. Et comme ça a été dit avant, néanmoins, ça n'a pas été sans mal, hein, parce que bah, Céline était très... était dans un enseignement un peu classique, et donc du coup il a fallu qu'elle lâche prise, et c'est quelque chose qu'elle a encore du mal un petit peu à surmonter, hein, c'est-à-dire gérer le bruit, hein, qui est occasionné par toutes ces activités un peu interactives en même temps, pour pas perturber la concentration d'autres élèves. Donc tout cela en fait, ça, c'est vrai que grâce en fait au retour qu'on faisait ensemble à la maison, et en même temps avec ses collègues, elle a pu en fait se rendre compte que bah il y avait énormément de plus-value en fait à ce qu'elle faisait, et que elle ne fallait pas y voir uniquement que l'aspect voilà bruit, peut-être le fait de se mettre peut-être un peu plus en difficulté que d'habitude, hein, mais y voir en fait vraiment la finalité qui est celle que bah, les élèves, au final, réclamaient ces ateliers autonomes, parce que c'était pour eux un temps qui était extrêmement important, qui puisse être fait sur une chaise, allongé par terre, sur un banc, etc., etc. Merci beaucoup. Sylvie? Oui, mais on l'a bien entendu là, en fin de compte, ce qui va amener un enseignant à flexibiliser sa classe, ça peut être des raisons très différentes. Hein. On a l'ennui, effectivement. Il y en a certains qui disent que voilà, c'était un peu la routine, etc. Donc ça, c'est se donner un nouveau challenge. Ça peut être la frustration. On a vu beaucoup des collègues qui se retrouvaient à être frustrés de ne pas pouvoir faire comme ils auraient voulu faire vis-à-vis des élèves qui étaient en difficulté, qui auraient voulu pouvoir intervenir auprès de chacun. Et là, ça va très bien avec cette histoire de lâcher prise, c'est-à-dire que c'est l'impression que eux seuls vont être en capacité d'aider, alors que finalement, on s'aperçoit que les élèves entre eux sont tout à fait capables de s'entraider pour peu que on les aide, on leur apprend à le faire. Et puis, le troisième type de raison, c'est de rencontrer des difficultés avec sa pratique habituelle et de se rendre compte qu'elle est plus efficace ou elle n'est plus possible avec soit un profil d'élève qui est différent. Ça peut être justement une question d'inclusion d'un enfant qui est porteur de troubles. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles finalement on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Et en fin de compte, ce qui est commun dans tout ce qu'on a pu observer, c'est justement cette nécessité de lâcher prise qui va en parallèle avec le fait de faire confiance aux élèves. Et en définitive, je pense que c'est ce qui manque le plus dans notre institution et peut-être dans notre société française. Lucie, elle nous dira si c'était pareil dans les pays qu'elle a pu visiter, mais on ne fait pas suffisamment confiance aux élèves. On a l'impression qu'on pose au départ le fait qu'ils ne sont pas capables, au lieu, au contraire, de penser bah, une école qui serait, comme on dit, capacitante. Et j'ai envie de rebondir sur cette notion-là parce que tout à l'heure, on se disait, il y a des enseignants qui n'osent pas parce que l'institution ne favorise pas non plus. Nous, là, sur l'académie, on a des IEN qui se sont lancés dans un groupe de travail pour développer l'école capacitante et ils essayent de faire bouger un petit peu les lignes. Et on voit bien que c'est compliqué pour eux parce que, effectivement, comme ces problèmes professionnels sont très variés, on ne peut pas accompagner une équipe comme on va accompagner une autre équipe, un enseignant comme on va en accompagner un autre. Donc c'est quelque chose vraiment de... Ben là encore, j'ai envie de dire, il faudrait qu'on flexibilise nos formations et nos accompagnements et de faire confiance et lâcher prise un peu à nos enseignants pour qu'ils s'autorisent à tester ce qui leur va bien, quoi. Et le dernier aspect sur lequel je voulais revenir, c'est aussi que... Je pense que Guillaume l'a bien dit, il y a besoin à un moment de réfléchir sur ses pratiques. Hein. Donc, on voit bien que les discussions à la maison, c'est un temps réflexif où chacun va dire, tiens, comment ça s'est passé, etc. Et c'était un peu aussi le but de l'ouvrage, c'est donner un espace de réflexivité pour que les collègues se posent un petit peu et disent, ben, voilà, comment on a fait, pourquoi on a fait, comment on a fait, etc. Et le retour que j'ai, moi, de certains auteurs, c'est de dire que ça a été très formateur, finalement, d'écrire. Et c'est vraiment pour nous un enjeu fort avec Andrea d'amener les collègues à écrire sur leurs pratiques, à la fois pour partager, mais pour eux-mêmes rentrer dans une réflexivité. Merci beaucoup, Lucie. Pour rebondir sur ce que Guillaume et Sylvie viennent d'expliquer, il y a quelque chose toujours du point de vue étudiant qui m'a beaucoup plu dans le schéma finlandais, en tout cas dans l'organisation de l'université dans laquelle j'étais, c'était de pouvoir choisir les cours auxquels j'assistais. Je pense que c'était donner une vraie liberté aux étudiants de pouvoir eux-mêmes décider de finalement ce qui les intéresse, toujours dans un grand domaine choisi, puisqu'on doit suivre une licence, mais quand même de pouvoir choisir les cours pour lesquels on porte le plus d'intérêt, et donc d'avoir une confiance de la part des professeurs qui, lorsque vous êtes dans leurs cours, savent l'intérêt que vous portez aussi pour que ce soit la discipline ou l'organisation. Et je pense que c'est laisser la possibilité de faire des choix aux étudiants et aussi aux enfants pour apprendre à décider et comprendre un petit peu mieux les besoins qu'on peut avoir dans l'apprentissage. Et notamment dans la classe dans laquelle je suis en alternance cette année, on a mis en place une heure, enfin sur 1 heure, donc 2 ateliers, 2 roulements d'ateliers en grande section. Les élèves viennent mettre leur étiquette sur l'activité qu'ils veulent faire pendant cette demi-heure. Et puis, à nouveau, on change le tableau et c'est les élèves qui s'inscrivent finalement à l'activité qu'ils souhaitent faire. Et ça permet vraiment de leur laisser peut-être une liberté pédagogique et un choix. Et puis, d'un autre côté, ça les responsabilise puisque c'est eux qui ont décidé de faire l'activité qu'ils vont faire. Merci beaucoup, Andrea. Alors, c'est vrai que tout ce qui a été dit par les collègues, je les rejoins et j'invite tout le monde à lire les presque 40 auteurs et témoignages de pratiques qu'il y a dans cet ouvrage. Mais en fait, les professionnels se posent bien la question, un acte au milieu vraiment de leur acte pédagogique, comment les élèves apprennent? Hein, finalement. Et donc, c'est une question qui peut paraître très triviale, mais en fait, elle est très opérationnelle au sein de la classe. Et donc, et les professionnels qui mettent justement toute la peine du monde pour inventer, mettre en place différents dispositifs, là, il n'en est pas question de vous inviter à acheter des mobiliers dans n'importe quelle industrie du mobilier enfantin, mais c'est vraiment la question qui se pose. Mais comment ils apprennent au mieux? Et on les voit, ils observent autrement les élèves au sein des situations d'apprentissage. Et cette responsabilisation dont Lucie en a parlé, mais les autres collègues aussi, elle ne se fait pas quelque part, la dévolution, elle ne se fait pas rapidement, sans étayage, sans explicitation, sans enseignement. Hein. Il faut rappeler qu'il y a de l'enseignement, même dans un enseignement flexible. Et donc, l'autonomie, elle ne vient pas d'un coup. Il y a des degrés d'autonomie, elle est étayée par les professionnels, elle est négociée, tu es prêt, tu n'es pas prêt, tu n'es pas encore prêt pour passer ton évaluation. Alors, on va encore s'exercer, on va encore travailler. Donc, c'est pas, il faut pas l'avoir en extériorité comme l'enfant qui fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il peut. En fait, il y a un enseignant qui a, comme l'a dit avant Stéphane, il a plusieurs projets en tête, il court derrière plusieurs lièvres et c'est vrai que la tâche, elle est un peu plus, je dirais, plus confortable pour les enseignants. Plus experts, la tâche est beaucoup plus compliquée pour les enseignants débutants parce que, en fait, voilà, on débute dans le métier, on doit en fait embrasser tout le programme, connaître les contenus, et une fois qu'on sait en fait comment on gère tout ça, on peut gérer à la fois plusieurs dispositifs qui concourent sur les mêmes espaces-temps dans la classe. Donc il y a étayage, il y a encadrement des enfants, il y a beaucoup d'explicitations, donc on se parle avec les enfants en classe énormément pour faire les réglages ensemble d'une classe flexible. Merci. Stéphane, et comme j'avais une question pour toi, je la pose au début, comme ça tu répondras. Tu as aussi travaillé sur des classes multi-âge. Est-ce que, on l'a vu maintenant que ce n'est pas juste du mobilier, la classe flexible, pardon. Est-ce que pour toi, c'est aussi être flexible et comment ça s'organiser, ces classes multi-âge? Mais je te laisse aussi dire ce que tu avais prévu de dire. Faut que tu mettes ton micro, Stéphane. Andrea a quasiment répondu à ce que je voulais dire. C'est-à-dire que flexibiliser la classe, hein, faire plusieurs choses différentes en même temps à des élèves, c'est aussi choisir d'éduquer à l'autonomie. Et donc, c'est les mettre dans des situations Nous avons un petit problème de connexion. Et donc, sur le multi-âge, c'était justement de se dire, bon, la forme scolaire, elle nous dit, c'est des élèves du même âge qui font la même chose en même temps. Et dans toutes les situations de la vie, si on y réfléchissait, moi, je vois toujours des enfants, mes enfants, qui jouent avec d'autres plus âgés, moins âgés, enfin voilà, les interactions elles se font de façon beaucoup plus naturelle et pas en fonction de l'âge. Et sur les apprentissages, on sentait bien que ça pourrait être peut-être justement un moyen de flexibiliser, même si c'était pas l'enjeu. Et donc ce qui nous intéressait, c'était de se dire, bah tiens, on va se donner comme contrainte féconde d'avoir des élèves différents, mais vraiment différents, parce qu'ils n'ont pas le même âge. Et parce que bah, ils n'ont pas eu les mêmes vécus d'apprentissage. Alors assez bêtement au départ on se dit un élève plus jeune il est moins capable. Donc très très vite on est vite rattrapé par la réalité, c'est pas vrai. C'est absolument faux. Ça dépend des situations, ça dépend de tellement de choses. On se retrouve avec des élèves très jeunes qui sont capables d'aller aider les autres sur des choses très complexes, d'aller très loin. Et quand on les empêche pas, bah là, ils y vont. Et puis d'autres qui ont besoin d'un petit temps pour souffler, qui sont plus vieux et qui veulent revenir un peu en arrière, prendre le temps. Et bah, cette classe multi-âge, c'était ça, c'était flexibiliser pour pouvoir offrir aux élèves la possibilité de choisir, avec ou sans notre aide, la situation la plus féconde pour travailler et apprendre au moment où ils étaient en train de le faire. Donc ça a été le choix d'une équipe et c'est ce qu'on est en train d'expérimenter là. Voilà. Merci. Vous avez évidemment commencé à y répondre, mais est-ce que vous pouvez expliciter justement ce que ça a amené comme réflexion sur la perception qu'on a de l'élève? Vous avez commencé à le dire, en lui faire confiance, considérer que lui, qu'il est capable, que lui aussi peut participer dans la classe. Et qu'est-ce que ça a bougé comme posture et pratique, ou qu'est-ce que vous avez observé aussi chez vos collègues en formation ou entre pairs? Voilà. Qu'est-ce qui bouge? Je veux bien Lily? lancer. En fin de compte, ce qui bouge, c'est alors j'appelle ça le potentiel estimé d'apprentissage de l'élève. C'est-à-dire que trop souvent, l'enseignant estime l'élève capable ou pas capable de, et du coup, lui propose des tâches dans ce qu'on appellerait sa zone voilà, de confort où il pense que ça va être bon pour lui. Et bah justement, on est souvent complètement à côté de la plaque parce que justement, on ne connaît pas la vie de l'élève, on ne connaît pas ses expériences, on ne connaît pas forcément son appétit, sa curiosité. Alors, il se trouve que moi, j'ai enseigné dans le collège où est Stéphane, et j'aurais juste raconté une petite anecdote d'un élève de troisième qui n'écrivait pas, qui venait pas avec du tout de matériel. Enfin, on avait l'impression qu'il n'apprenait rien à l'école. Et quand il est parti en stage dans une entreprise, le patron nous a appelés dans l'établissement et tout de suite la réaction, c'était de se dire, bon, qu'est-ce qu'il a mis comme bazar dans l'entreprise? Qu'est-ce qui se passe? Et en fin de compte, l'entreprise nous appelait pour nous dire, cet élève-là, quand il sort de chez vous, je le veux absolument chez moi. Parce qu'en fin de compte, c'était un élève qui avait appris tout seul chez lui à faire du développement informatique. Alors qu'il était en échec scolaire dans toutes les disciplines, lui, il avait appris à faire du développement informatique chez lui sur un ordinateur dans le quartier, parce qu'il n'y avait même pas d'ordinateur à la maison. Et moi, je trouve que cette expérience-là, ça rend vraiment très humble, quoi, de se dire, mais on ne sait jamais. Enfin, moi, je dis toujours à mes élèves, ça se trouve dans la classe, là, il y a celui qui va trouver le moyen de guérir tel cancer, qui va trouver le moyen de faire rouler les voitures sans essence, etc. Il faut pas passer à côté du génie d'un enfant, et c'est à nous de faire en sorte de faire germer toutes ces petites graines-là, mais pas de décider, nous, si on doit mettre certaines en godet, certaines en jachère, ou certaines dans une serre. Je laisse Romain continuer, parce que je pense qu'il a à dire. Oui, merci. Non, ce que j'en ai pu remarquer, nous aussi, c'est que ça libérait les échanges aussi entre les élèves et qu'il pouvait y avoir du tutorat qui se mettait rapidement en place et que des élèves non lecteurs qui peuvent être sur un dispositif Ulysse peuvent venir tutorer un camarade sur de la pratique ou inversement. Mais ça coupe vraiment les frontières entre les élèves et aussi le rapport professeur élève. Là aussi, on casse des frontières parce qu'on se retrouve dans des groupes parfois plus petits et les échanges avec les élèves pour venir aider ou accompagner se font beaucoup plus facilement. Et nous aussi, lorsqu'on fait ça en plus avec du co-enseignement, ça permet d'avoir aussi d'être à deux, être en recul de la classe, pouvoir observer et échanger en direct. Après, on revient plus tard sur ce que l'on a fait, mais c'est vraiment ouais, ça brise des frontières et ça favorise les échanges. Et en termes d'inclusion, tu viens déjà d'en parler, mais est-ce que tu vois un impact plus large dans l'établissement sur l'inclusion? Enfin, Bah, parler comme c'est que ça dans les classes. ouais, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de faire société. Et c'est que de plus être des élèves en situation de handicap dans une salle, là, c'est ce que je disais au début, c'est ma salle est quasiment. Elle n'est pas fermée, mais elle est ouverte à tout le monde plutôt. Et je me trouve rarement avec seulement des élèves Ulysse dans ma salle. Je dérive un petit peu là, mais c'est vraiment ça, ce vers quoi on va, c'est aller vers un collège flexible, vers un collège inclusif. Merci beaucoup. Et maintenant, est-ce que vous pourriez expliciter une de vos pratiques ou une que vous avez observée de flexibilisation de la pédagogie, je ne sais plus dire la classe maintenant, mais pour qu'on puisse comprendre un peu comment ça fonctionne. Sylvie? Oui, moi je veux bien lancer sur une piste qui est assez facile à mettre en place pour commencer à flexibiliser, c'est l'utilisation des plans de travail. Parce qu'un plan de travail, ça peut se faire sur un temps limité, ça peut se faire sur une seule discipline au premier degré, ça peut se faire enfin de multiples façons, de la maternelle jusqu'au lycée. Et c'est un espace où l'élève va avoir à faire des choix, à s'auto-évaluer. Et c'est un moment où les élèves sont en situation de travail individuel, et donc l'enseignant peut étayer, être auprès des élèves. Et comme je sais plus, je crois que c'est Stéphane qui en parlait tout à l'heure. On sait que le feedback oral dans l'action est ce qu'il y a de plus efficace au niveau de l'apprentissage. Donc, ça permet de tester ça, de le vivre. Et puis, quand on a réussi une petite chose comme ça, ben, on va pouvoir le développer un petit peu plus. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un plan de travail? Ben, un plan de travail, c'est tout simplement une liste de tâches dans laquelle l'élève va piocher sur un temps dédié de travail individuel. Donc, si je prends moi, mon exemple en mathématiques, un plan de travail, ça peut être une diversité d'exercices d'entraînement, un exposé à préparer, une tâche numérique à effectuer en salle informatique, etc. Et les élèves les font sur des heures ou des demi-heures. Enfin, sur des temps précis, dans l'ordre qu'ils veulent, avec un système d'autocorrection pour les exercices et un système aussi d'étayage, par exemple, sur les tâches un petit peu plus complexes, avec une date. Un plan de travail, ça a un début, ça a une fin. C'est surtout ça qui est important. Et donc, à la fin, tout le monde n'a peut-être pas tout fait. C'est pas ça qui est le plus important, mais c'est d'avoir laissé la possibilité à l'élève de choisir son parcours d'apprentissage et de médiation avec le savoir qui l'intéressait le plus à ce moment-là pour progresser. Et en plus, en laissant le choix, on participe à la motivation des élèves. Tout à fait. Ouais. Vous avez écouté Mais c'est l'épisode pareil, ça. numéro, je ne sais plus. Ça demande aussi de l'apprentissage, hein, comme tout dispositif différent. Hein. Moi, je sais que la première fois que je donne une autocorrection, ils se précipitent dessus pour recopier le corrigé. Donc, il faut au bout d'un moment qu'ils comprennent à quoi ça leur a servi de faire par eux-mêmes et de s'autocorriger eux-mêmes et la confiance qu'on leur fait en laissant le corrigé à disposition. Voilà. Merci Guillaume. Alors moi, je suis toujours avec mes tableaux blancs en mode classe mutuelle. Ce que je réalise avec eux, c'est des résolutions de... Alors je me place par rapport aux spécialités premières où il y a des résolutions d'exercices qui sont très fixées dans la méthode, etc. et qui sont nécessaires de toute façon pour, enfin, si on veut vraiment aller rechercher un peu plus loin une pratique un peu plus autonome. Et donc, c'est vrai que ces exercices, en fait, sont toujours un peu, c'est toujours un peu délicat à aborder, parce que soit les élèves nous écoutent ou nous écoutent pas, on ne sait pas trop, en fait, on n'arrive pas trop à interagir sur ces temps-là. Et donc là, pour le coup, moi, j'ai utilisé cette classe mutuelle, ces tableaux blancs, pour proposer aux élèves, donc par groupe, de mettre au tableau uniquement quelles sont les données de l'exercice qui seront utiles pour le résoudre, quelles sont les lois que je vais utiliser, mais je mets uniquement que les informations qui sont utiles pour la résolution en fait de ce qui leur est proposé. Et donc après, ils s'installent autour de ce tableau de la manière dont ils le souhaitent, et chacun de son côté va résoudre justement l'exercice, la situation. Et donc, le tableau devient donc juste un support d'information, mais aussi un lieu autour duquel on va se réunir pour travailler ensemble sur un même objectif. Et puis, on reste toujours en fait en coopération, puisque s'il y a une difficulté d'un élève, tout de suite, on peut dire, mais je n'ai pas compris pourquoi on a pris cette donnée-là, et je l'ai encore vu la semaine dernière, jeudi dernier, où les élèves, il y en a, ils disent, mais je comprends rien à ce qu'on est en train d'écrire. Et donc, moi, je l'entends, je dis, est-ce que quelqu'un dans le groupe a regardé? Il dit, oui, moi, je suis reparti, regardez, je lui explique ce que sont les valeurs algébriques, etc. Et ça crée vraiment en fait cette communauté de travail et cette envie en fait de progresser. Et puis bah voilà, moi j'estime à la fin de cette première période, j'ai demandé aux élèves des émotions et l'émotion qui revient le plus c'est la joie, tant mieux pour moi. Mais avec cette idée derrière toujours de merci pour la méthode, ça me met en confiance. Et en fait, je pense qu'en fait déjà ça, quand on arrive à sortir de ça en fin de la première période en spécialité première. On peut se dire qu'on a déjà gagné quelque chose sur l'année, sur leurs apprentissages à venir. Merci beaucoup. Nathalie, est-ce que tu as observé une pratique chez les collègues que tu formais? Alors, en fait, de manière un petit peu plus générale, moi, je vais prendre un peu ma casquette numérique parce que c'est aussi une de mes. Enfin, je travaille à la mission numérique, donc ça fait partie aussi des usages que je porte. Et globalement, on peut observer quand même que les outils numériques, ils peuvent permettre de flexibiliser un petit peu la classe, que ce soit tout à l'heure, on a parlé du TNI, par exemple, hein, qui peut être utilisé, faut que ce soit l'outil du maître, l'outil de l'enseignant, mais qu'on puisse justement ouvrir à la manipulation pour les élèves, etc. Ou encore les tablettes, quand il y en a dans les classes, qui peuvent servir justement, on parlait un petit peu d'individualisation du parcours, mais ça peut être sur une dictée, par exemple, qui serait préenregistrée sur une tablette et qui permettrait aux élèves d'avoir un certain nombre de dictées, puis de choisir par rapport à ses compétences, si on veut, et si on peut, une dictée niveau 1, niveau 2, niveau 3, etc. Donc les outils numériques, même dans la classe inversée, par exemple, on a la leçon qu'on peut aller écouter, réécouter si on en a besoin, et puis avant d'aller sur des exercices d'entraînement, voire à l'issue du parcours sur l'évaluation. Donc voilà, globalement, l'usage des outils numériques, ça peut aussi aider, c'est pas un point central, mais ça peut aussi aider quand même à cette flexibilisation de la classe. Merci beaucoup. Lucie, ça tombe bien parce que j'avais aussi une question, donc la rajoute. C'était est-ce que du coup tu te projettes, maintenant que tu es en train de te préparer à devenir enseignante aussi, est-ce que tu projettes des choses que tu as vécues en les transférant pendant tes cours ou pas? Et puis. Pour donner un des exemples des pratiques que j'aimais bien justement en Finlande, et peut-être serait intéressant aussi de pouvoir le faire avec des élèves quand je serai enseignante pour de vrai et pas simplement en alternance. Mais c'était le choix des examens et le choix des modalités d'évaluation. J'en avais parlé beaucoup avec Andrea. Et en fait, c'est laisser à l'étudiant la possibilité de choisir du moment auquel il se sent prêt à passer l'examen et aussi la manière dont il veut passer l'examen. Parce que on nous proposait souvent des modalités orales ou écrites, voire même des dossiers de recherche à rendre qui peuvent être faits sur un temps long, à la suite des cours, etc. Et c'est vraiment donner une liberté de choisir, je souhaite passer l'épreuve un matin parce que je sais que je travaille mieux le matin, l'après-midi parce que je sais que je travaille mieux l'après-midi, et aussi la dimension en numérique. Parce qu'on avait la possibilité de passer les examens sur des ordinateurs. Ils avaient des sortes de salles à disposition avec une caméra de surveillance. Mais donc, on pouvait accéder à l'ordinateur quand on se sentait prêt pour passer l'épreuve. Et ça rejoint un petit peu une des idées que j'aimerais bien faire dans mes classes un jour. J'ai observé un enseignant qui proposait des plans de travail. Comme évaluation, donc c'était des pochettes avec plusieurs exercices, peut-être un oral à préparer, des exercices à faire à des moments différents et selon la vitesse. Je pense que s'adapter à l'enfant ou à l'étudiant et à l'apprenant pour proposer l'évaluation qui peut parfois être très stressante pour certains élèves. C'est aussi alléger la pression et le stress qui est exercé sur les élèves, passer l'examen quand on se sent prêt ou choisir une modalité sur laquelle on est plus à l'aise. En plus, l'évaluation, c'est vraiment une source de décrochage scolaire. Dans la roue du décrochage scolaire qu'on peut trouver sur Eduscol, c'est un des 16 facteurs. Et Yves Rother, dans son livre de 2016, je vais trouver le bon titre, Vivre les disciplines scolaires, le décrochage d'école, je sais plus exactement, il le nomme dans les 16 domaines aussi à travailler pour éviter le décrochage. Mais du coup, j'entends déjà des gens qui vont écouter, qui vont dire, oui, mais comment on fait sans que ce soit chronophage? Pour avoir assez d'évaluations en stock. Donc, je ne sais pas si vous avez pu échanger, Lucie, ou si Andrea ou Sylvie, vous avez des pistes à Alors, creuser. ce que oui, Non, non, vas-y. ce que je peux dire, c'est que c'est pas, on fait pas ça du jour au lendemain, que c'est un long travail, que c'est un travail de long terme, c'est un travail parfois partagé entre collègues, et dans la collégialité, justement, on peut construire des outils d'évaluation ou des ateliers ou des plans de travail, ou voilà, tous ces outils, en fait, qui font classe. Et ce que j'ai vu, en fait, chez les professionnels, c'est pas du jour au lendemain qu'on a mis en place tous les outils. Et on le voit dans les pratiques ordinaires, plutôt comme une pratique progressive, parfois, comme vous l'avez dit avant, hein, avec des allers-retours, avec peut-être des ralentissements, parce que, aussi, les professionnels doivent trouver leur rythme de croisière, hein. On voit bien que parfois les débutants, ils sont très enthousiastes et ils mettent en place pas mal de dispositifs, mais ça ressemble parfois à une usine à gaz qui les épuise professionnellement et qui n'est ni efficace ni pour eux-mêmes dans leur pratique, ni pour les élèves. Donc c'est plutôt la voie du milieu, une voie plus lente, mais plus sûre, dans laquelle en fait j'ai vu les professionnels construire, en fait, aiguiser leurs outils sur le long terme. Plutôt dans cette sagesse-là où je les ai vus œuvrer, mais je laisse les collègues répondre. Sylvie? Alors moi, pour avoir testé des classes coopératives pendant presque 7 ans au lycée et avoir justement mis en place des évaluations non notées et faites, j'allais dire, au moment où les élèves le souhaitaient, bien sûr, comme le dit Andrea, ça suppose d'avoir un certain nombre de ressources sous la main, sous le coude, mais j'ai envie de dire aujourd'hui avec les outils numériques et le nombre d'épreuves qui ont déjà été faites et qui sont... Bon, on a ces objets-là sous la main. Moi, ce qui me semble le plus important, c'est que les enseignants se fassent confiance sur leur capacité à évaluer au fil de l'eau. C'est-à-dire que en circulant dans la classe, en étant proche des élèves, comme Guillaume, quand ils sont auprès du tableau, il entend ce qui se dit, etc. Et franchement, il n'y a pas toujours besoin d'une épreuve sur table à une date, voilà, imposée pour donner une note, voire même, c'est stressant pour l'enseignant qui sait très bien que l'élève a réussi à faire les choses pendant tout le trimestre et le jour de l'épreuve, il n'est pas capable de le sortir. Donc voilà, qu'on laisse un peu aussi, qu'on fasse confiance aux enseignants sur leur capacité à évaluer au fil de l'eau et aussi à l'élève à s'auto-évaluer. Et justement, quand on met suffisamment en place l'autonomie et la responsabilisation, les élèves sont totalement capable de se dire ben là je sais, là j'ai besoin de plus d'entraînement, là je suis au top, là si on leur dit qu'ils peuvent choisir le moment où ils s'évaluent, j'ai presque envie de dire c'est même plus besoin de les évaluer, c'est que c'est bon, c'est acquis. Merci, Stéphane. Oui, alors rebondir sur l'évaluation. Sur l'évaluation, en fait, quand on est sur une évaluation sur demande, alors moi je valide tout ce qui a été dit, hein, sur le formel, informel, on peut évaluer de façon informelle. Et puis cette course à, au nombre suffisant de d'évaluations, c'est un, enfin moi j'associe ça à un stress professionnel dû, je dois rendre des comptes, et il faut que ça soit suffisamment objectif. Bon. Une observation en classe informelle peut être tout aussi objective qu'un devoir sur table. Preuve en est, quand on se met, moi ça m'arrive souvent, maintenant puisque je fonctionne en boucle évaluative, donc les élèves ils s'évaluent quand ils le demandent, mais parfois je suis obligé de leur dire bah, évalue-toi, parce que c'est le seul moyen que tu auras de savoir si tu maîtrises vraiment. Arrête de t'entraîner, de te surentraîner. Et quand on fait ça, en fait, en discutant avec l'élève juste après, quand il a fini, au bout d'une demi-heure, je me mets à côté de lui, je dis, bon, bah, montre-moi que tu as compris cette question-là, comment tu as fait, comment tu t'y es pris, tu voulais faire quoi, etc. Et là, on a une discussion de type évaluative, donc une évaluation de type complètement discursive, c'est-à-dire on discute. Et là, on se rend vite compte qu'en fait, l'élève, à l'écrit, il n'a pas rendu tout ce qu'il savait. Et par la discussion, en fait, on voit qu'il maîtrise. Et donc, ben, l'écrit, là, il n'est pas représentatif de ce qu'il sait. Et donc, on valide avec lui en lui faisant bien identifier qu'en fait, il sait les choses. Et que là, c'était juste qu'il n'a pas su les retranscrire. Mais alors, il y arrive. Voilà, donc ça, c'est sur l'aspect évaluatif. Encore une fois, la discussion. Voilà, encore une fois, les rétroactions. Après, sur les pratiques, parce que, Emine, tu voulais une pratique. En classe multi-âge, il nous arrive ben, de devoir gérer le fait que les élèves ils vont pas apprendre la même chose, qu'il y en a certains sont en cinquième et d'autres en troisième. Et donc, ben, on fait des ateliers d'idage, c'est-à-dire qu'ils ont trois sujets, un par âge, qu'ils vont explorer de façon collective. Mais par contre, à la fin, à un moment donné, ils vont devoir enseigner à d'autres. Et donc là, on reboucle avec ce que Guillaume utilise, les tableaux sur les murs, où chaque groupe va se mêler. On va mêler les groupes 5, 4, 3. Ils vont se mettre devant un tableau et ils vont devoir s'enseigner mutuellement ce qu'ils ont fait. Voilà. Ça, c'est une pratique que je dis flexible. Alors après, je ne sais pas si elle l'est, mais en tout cas, je l'inscris là-dedans. Merci Voilà. beaucoup. Est-ce que Sylvie et Andrea, vous voulez proposer une petite synthèse, un mot de la fin? Alors, une synthèse, non, Non, parce que c'est clair. il faut lire le livre et rentrer dans les Oui. pratiques de tous les professionnels. Peut-être on n'arrive même pas à citer le nom de tous les auteurs qui sont sur la deuxième page du livre. Il y en a une quarantaine de collègues qui ont œuvré en fait à creuser cette question du flexible. Et ça nous a vraiment entraîné au cœur des pratiques. Et je pense que c'est là qu'il faut encore creuser, travailler avec les professionnels, accompagner nos collègues ou accompagner les chercheurs pour voir vraiment la classe, comment elle est, et aller au-delà en fait de ce qu'on pense de, voilà, école en forêt, école flexible, etc., pour aller vraiment dans les logiques des pratiques au sein de l'école telle qu'elle se fait, des pratiques ordinaires. Et je pense que là, il y a un intérêt à mieux connaître les pratiques ordinaires des enseignants parce qu'il y a des merveilles, il y a aussi des choses qui ne sont pas bonnes, mais il y a aussi des choses qui en valent la peine et c'est là que les enseignants font la différence face aux élèves. Merci, Sylvie. Moi, je voulais juste rajouter que de la même manière que on voit bien qu'en étant auprès des élèves, ils sont capables de faire bien plus que ce qu'ils montrent, bah, c'est en allant dans les classes visiter entre pairs qu'on découvre toute la richesse de la pratique de son collègue. Et donc, moi, je pense que c'est un des enjeux de la formation continue, c'est d'amener les collègues à ouvrir les portes, à aller se visiter, à co-animer et à penser qu'ils sont aussi capacitants, eux aussi, hein, que notre institution elle soit capacitante pour tous et chacun, autant les collègues que les élèves. Et d'ailleurs, ça demanderait à ce que l'on change pas mal de mots de notre vocabulaire là, dans l'éducation. Quand on parle d'enfants porteurs de handicap, j'aurais qu'on parle d'enfants porteurs de compétences. Voilà. Parce qu'ils en sont tous porteurs. Et puis, ben, Andrea l'a bien vendu. On va commencer le prochain ouvrage sur les situations d'apprentissage et on compte bien sur tous les collègues présents et tous ceux qui ont déjà écrit pour continuer l'aventure. Déjà, moi, ce que je trouve intéressant dans ce projet d'ouvrage, c'est que on a des sollicitations avec Andrea pour accompagner des équipes qui veulent bouger, qui veulent faire des choses. Donc, ça veut dire que ça a donné envie, ça rend des choses possibles, atteignable. Donc, bah, si c'est notre petite pierre à l'œuvre collective, je trouve que c'est super. Stéphane? Ouais, dans ton sens, si lui, sache qu'à Durance, quand j'ai voulu commander le livre à Nantes, il l'avait plus, il était en rupture. Voilà. Et ben voilà. Ah ben voilà, ben comme quoi. Et donc, c'est flexibiliser la classe pour faire progresser les élèves, pardon, chez ESF. On mettra le lien en dessous. Eh bien, merci à tous pour cet épisode très intéressant et je pense qu'on aura une suite dans un an, le prochain livre, sur les pratiques. Très bonne soirée.